Chapitre 4. Les secondes méditations sont la suite, et la suite fort naturelle, des premières. Le poète n'a pas voulu renoncer aussi vite, et n'a pas eu le courage de dire adieu à un titre qui avait porté bonheur à son génie naissant. Néanmoins, le nouveau recueil présente certaines qualités, et surtout quelques défauts qui ne se rencontraient point dans le premier. La même harmonie y ravit notre oreille, la même pureté de ligne, la même suavité de couleur y ravit nos yeux. C'est du Haydn, c'est du Raphaël. Mais il faut l'avouer, les nouvelles méditations sentent l'huile. Elles ont été laborieuses, tandis que les anciennes avaient été véritablement spontanées. Et nous n'aimons rien tant que la spontanéité dans l'art. Le poète s'est dit en se frappant le front, « Il faut que j'aie du génie, il faut que je fasse mieux que ma première œuvre. » Et il n'a pas fait aussi bien. Par bonheur, quelques pièces étaient depuis longtemps réservées dans le portefeuille de M. de Lamartine, et elles sont peut-être le meilleur ornement de son second volume. Le reste a je ne sais quel parfum de rhétorique qui ne se respirait pas dans l'œuvre première. Je signalerai comme preuve de cette affirmation la fameuse ode à Bonaparte, qui ne mérite point sa réputation. C'est ampoulé, déclamatoire et creux. « Qui sait si le génie n'est pas une de vos vertus ?» dit le poète aux grands hommes de la trempe de Napoléon. La pensée ici est nuageuse. On se dit tout d'abord que c'est beau, mais bientôt on s'aperçoit en riant que cela ne veut rien dire. Et nous pourrions citer un assez grand nombre de ces traits de mauvais goût. Hélas, c'est la vieille histoire. On fait un chef-d'œuvre, on le fait sans s'en douter, avec l'ingénuité de la 20e année, en plein rayonnement, en pleine jeunesse. Puis, si l'on veut en exécuter un second, si l'on se met bravement à la tâche, on produit des fleurs artificielles, charmantes sans doute, et de belles couleurs, mais artificielles. Les premières étaient de vraies fleurs, toutes parfumées, pleines de miel, humides de rosée. Ah, laissez-moi préférer les premières. Toutefois, je ne voudrais pas être trop sévère à l'égard des secondes méditations qui, malgré ces défauts réels, demeureront comme un de nos livres classiques, et seront dans quelques 20 ans à l'usage de nos collèges. Mais, nous diront les austères, oserez-vous placer sous les yeux de vos enfants tant de vers amoureux où frémit le nom d'Elvire? La plupart de ceux qui font cette honnête observation sont les mêmes qui laissent dans les bucoliques de Virgile la fameuse seconde églogue, l'ignoble formes hommes pastor Coridon Artebat Alexine. Nous ne serons pas aussi sévères à l'égard de l'amour vrai, de l'amour jeune et sincère. Tout ce qui peut altérer la virginité des âmes, nous le détruirons sans pitié, nous l'éloignerons des jeunes regards. Mais n'allez pas trop loin dans cette voie. Comprenez qu'il est impur, un légitime amour, même avant le mariage. Ne soyez pas janséniste. N'empêchez pas les cœurs de battre honnêtement. Les vers à Elvire sont bien tendres, assurément, et je ne les graverai pas volontiers dans la mémoire des jeunes filles. Mais je ne pense pas qu'ils aient fait grand dégât dans les âmes. Et où serait le mal? S'ils avaient produit dans notre société mercantile quelques mariages d'inclination, les seuls peut-être qui soient dignes de l'estime d'un chrétien. Ne vaut-il pas mieux entourer la femme d'une auréole idéale, comme l'auteur des méditations, que de la rabaisser, de l'insulter, de la traîner dans la boue comme Balzac? Les deux premiers livres de Lamartine sont, malgré tout, des chefs-d'œuvre qui font honneur à l'humanité, je dirais même à l'humanité chrétienne. Mais ce ne sont peut-être pas ses meilleurs titres. Combien d'intelligences parmi nous ne connaissent que les méditations de Lamartine et les odes et ballades de Victor Hugo? Les recueils de morceaux choisis, les anthologies, gâtent singulièrement les esprits bourgeois, en leur faisant éternellement subir les mêmes extraits, souvent défigurés et mal choisis. On croit connaître tout Victor Hugo lorsque l'on sait par cœur Moïse sur le Nil, et que l'on déclame « Mes sœurs, l'onde est plus pure au premier feu du jour ». On croit posséder tout Lamartine quand on peut citer le crucifix ou le lac. C'est une grande erreur. À nos yeux, le véritable Lamartine est surtout dans Geneviève et dans le tailleur de pierre de Saint-Point. Le véritable Hugo est surtout dans les contemplations, dans la légende des siècles, dans les misérables. Et nous aurons lieu de le démontrer.